بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 21 dans l'explication de Umdat al-Ahkam وهو الدرس الأخير في باب المسح على الخفين. Et c'est le dernier cours dans l'explication du chapitre lié au fait d'effleurer les chaussons. Au fait d'effleurer les chaussons. On a vu hier les deux hadiths qui ont été cités par l'auteur. Ra'ayna bil ams al hadithayn al madhkurayn min al musannif rahimahullah. Cependant, walakin hunaka ba'd al masail lam natatarraq ilayha. Cependant, il y a certains sujets qu'on n'a pas vus, on n'a pas abordés concernant le fait d'effleurer les chaussons. Je ne dis pas et je ne veux pas par là dire qu'on va aborder tous les sujets liés au fait d'effleurer les chaussons. Mais on va juste en aborder certains, quelques-uns aujourd'hui, inshallah ta'ala. Le cours ne sera pas long, il sera plus court que d'habitude, bi'idhnillahi ta'ala. Et peut-être par la suite, wallahu a'lam, si on refait ce chapitre avec peut-être un autre livre qui sera encore un peu plus détaillé, alors à ce moment-là, on verra d'autres sujets encore, bi'idhnillahi ta'ala. فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ. Comment est-ce que le fait d'effleurer les chaussons doit se faire? C'est-à-dire, هَلْ يُمْسَحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفَيْنِ أَوْ أَسْفَلِهِمَا. Est-ce qu'on doit passer les mains sur le dessus des chaussons ou le dessous? بَعْدُ الْإِخْوَى أَحْيَانًا يَرَوْنَ إِخْوَانَنَا يتوضؤون ويمسحون على أدنى الخف فيتعجبون من هذا الصنيع أو من هذا الفعل كأنه قول محدث. Et donc certains de nos frères, parfois ils peuvent voir certains faire leurs ablutions et passer, effleurer les chaussons ou les chaussettes au niveau du bas, pas au niveau du dessus. Et là, ils vont blâmer cela comme si c'est une parole innovée. Attention, je ne dis pas que c'est une parole correcte. Mais je dis citer cette parole comme si c'est une parole innovée et d'où ils viennent avec cela, etc., etc. Et tout cela, c'est parce qu'on n'a pas étudié. Et tout cela, c'est parce qu'on n'a pas étudié le fiqh. Lorsqu'on ne connaît pas les avis des savants, on se met à critiquer des choses qu'on ne connaît pas. Tandis que si tu connaissais l'avis des savants, tu aurais dit, ah oui, je sais d'où il a pris ça, c'est une erreur, mais je sais d'où il l'a pris. Tu n'aurais pas dit, ah, il a inventé quelque chose, on n'a jamais vu ça, et donc, quels sont les avis des savants par rapport à cela? ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الواجب هو المسح على الخفين والمستحب أن يمسح أسفلهما. Et donc l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils voient que ce qui est obligatoire, c'est de passer les mains au-dessus des chaussons. Donc au-dessus des pieds. Mais par contre, c'est recommandé de passer en dessous. Mustahab. Et c'est pour ça que parfois, on peut voir des frères, ils vont passer au-dessus et en dessous. Là, il ne faut pas le choquer. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur un madhhab. Particulièrement quand c'est des frères qui vont venir de pays qui suivent le madhhab de l'imam Malik ou Shafi'i. En général, les gens, ils se calquent sur le madhhab du pays d'où ils viennent. Sans chercher à comprendre. L'imam Malik, il a dit, l'imam Malik, il a dit. L'imam Shafi'i, il a dit, l'imam Shafi'i, il a dit. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais aujourd'hui, tu sais que ça, c'est l'avis de certains imams parmi les imams. Est-ce qu'ils ont un dalil? Mais où est daliluhum? أخرج أبو داود في سننه عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وأسفلهما وعلى أسفلهما. Et donc, Abu Daoud, il a cité dans son recueil, selon le Mourira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effleuré ses chaussons. Le dessus, et aussi le dessous. Il a aussi effleuré en bas. Et donc aujourd'hui, si tu prends le livre, le recueil de Abu Daoud, tu l'ouvres, tu vois le chapitre, même il a cité le chapitre que j'ai vu cet après-midi, c'est Babu Kayfa Yumsahu ala al-Khuffayn. Chapitre comment est-ce qu'on effleure les chaussons. Il a cité ce hadith. Wa hadha al-hadith da'afahu jam'un min al-a'immah. Ce hadith a été jugé faible par beaucoup parmi les imams. Minhum al-Bukhari, parmi eux il y a l'imam al-Bukhari, ad-Darqutni, at-Tirmidhi et d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans sa chaîne de transmission un homme qui n'a pas été cité. Un homme qui n'a pas été cité. Même son nom n'a pas été cité. Et donc on ne peut pas accepter. On revient encore sur le même sujet qu'on a cité plusieurs fois. Tu ne prends pas la science de quelqu'un que tu ne connais pas. Il n'a pas été cité, on n'a même pas son nom. Et c'est le même problème qu'on trouve sur les sites internet. Attention, sur le site internet, c'est le même problème. Tu vas sur le site internet... site je sais, www.je-sais-pas-quoi.com, qui est le responsable du site? Allahu a'lam, il n'est pas cité. Il n'est pas cité. Tu ne sais pas. Mais par contre, on confie toute notre religion, akida, fiqh, hadith, tout. On ne sait pas qui est derrière le site. On ne sait pas qui est derrière ça. Une fois, une personne m'envoie un message, hadith, je dis, mais qui envoie? C'est qui a écrit, qui a traduit, qui a... Ouais, mais c'est un truc, hadith de je sais pas quoi. C'est qui est derrière ça? Allahu a'lam. Regardez, nos savants, dans le fiqh, si tu veux apprendre ta religion, aujourd'hui, on va te dire, il y a un avis qui dit que tu peux passer tes mains au-dessous des chaussons. Tu vas dire, non, cet avis n'est pas correct. On va te dire, pourquoi c'est pas correct? Tu vas dire, ben parce que il n'y a pas de preuve. Il se base sur un hadith qui est faible parce que dans la chaîne de transmission, il y a une personne qui n'a pas été citée. Ah bon? Mais c'est pas toi la dernière fois qui m'avait montré un site dont tu connaissais pas l'auteur. Donc là, pour le hadith, t'acceptes pas, mais par contre, pour le site internet, t'acceptes. C'est la même chose. Pour le hadith, t'acceptes pas. Pour le site internet, c'est la même chose, t'acceptes pas. Tu connais pas l'auteur, tu prends pas. Préserve ta religion. Et il y a d'autres problèmes dans la chaîne de transmission. Il y a un rapporteur qui s'appelle Thawrun. Donc Thawr, il a pris ce hadith de Raja. Abu Daoud lui-même, il dit que Thawr n'a pas pris la science de Raja. Il ne l'a pas entendu. Et donc, il y a encore une personne, peut-être, qui n'a pas été citée. Il y a un problème dans cette chaîne de transmission. Donc, ce hadith est faible. L'imam Abu Hanifa ou l'imam Ahmed yaraun anna al-mesh yakun ala a'la al-khuffi faqat. L'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed, ils voient qu'on effleure juste le dessus des chaussons. C'est tout. Quelle est la preuve? La preuve, c'est une preuve qui est connue. Je vais vous dire, le hadith de Ali. Le hadith de Ali. Qu'est-ce qu'il dit, Ali, rajallahu anhu? Aïwa. Naam? Vas-y. طيب لو كان الدين بالرأي يلدي علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أدنى الخف أولى به من المسح على أعلاهما. Et donc si la religion prenait en compte les opinions, le fait d'effleurer le dessous des chaussons aurait été préférable au fait d'effleurer le dessus, puisque tu marches sur le dessous des chaussons. Et donc, il aurait été préférable de passer tes chaussons, d'effleurer le dessous que le dessus. Mais la religion ne se fait pas avec les opinions. Ce n'est pas avec les opinions. C'est pour ça qu'il dit cela à Ali, et après, ensuite, il dit « Wa qad ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala al-khuffayn, ala a'la al-khuffayn. » Et certes, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam effleurer le dessus des chaussons. Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est que tu dois effleurer le dessus des chaussons. Aujourd'hui, tu vois ton frère qui va effleurer le dessous, birrifq, en douceur. Parce que lui, il va te dire, c'est l'imam Malik. Ou il va te dire, l'imam Shafi'i. Il va te dire, toi, t'es qui? Alors, vas-y doucement. Apprends le hadith correctement. Vas-y en douceur. Et tu lui expliques en douceur, inshallah ta'ala. Ensuite, le deuxième point qu'on va voir aujourd'hui. Un de nos frères qui m'avait posé cette question. Hal yajuzul mashu ala al-jawrabayn. Est-il permis d'effleurer les chaussettes? Parce que là, je vois, il n'y a personne qui a des chaussons. C'est tous en chaussettes. Tous en chaussettes. Donc, est-il permis d'effleurer les chaussettes ou pas? Oui, si c'est faux quelqu'un. Et donc, les savants, ils ont divergé sur ce sujet aussi. Est-il permis d'effleurer les chaussettes ou pas? Fadhahab Malik. والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز مالك شافعي أبو حنيفة il voit que c'est pas permis d'effleurer les chaussettes. Les chaussons oui, mais pas les chaussettes. Pourquoi? Ils disent justement لعدم ورود حديث دال على ذلك. وأيضا لأن الخف لا يقاس أو لأن الجوربين لأننا لا نقيس الجوربين على الخف. Ils disent, ce n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith qui montre que le prophète il a effleuré les chaussettes. Les hadiths ont été rapportés concernant les chaussons, mais pas les chaussettes. Et aussi parce que on ne va pas comparer des chaussettes. Aux chaussons. Les chaussons, c'est plus épais, etc. On ne va pas comparer les deux. Et donc, ça, c'est l'avis de l'Jumhur. Zahab al-Imam Ahmed, wa kadhalika qawl an-Shafi'i, ila annahu yajuz. L'Imam Ahmed est aussi ici un des deux avis de l'Imam al-Shafi'i qui disent que c'est permis. Pourquoi? Ja'a fi sunan Abi Daoud, an Thawban. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. Et donc, quelle est leur preuve? Un hadith rapporté dans Sunan Abi Daoud, qui a été authentifié par l'imam al-Zahabi. Selon Sa'uban qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un petit groupe de combattants en voyage. Et que ces gens, ils ont été touchés par le froid. Alors ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on fait? Il y en a qui sont malades, etc. Comment on fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné d'effleurer l'asa'ib. C'est quoi l'asa'ib? Les turbans qu'ils vont mettre au-dessus de la tête. Donc, au lieu de mettre l'eau sur la tête, ils vont passer, ils vont effleurer les turbans. El asa'ib wa tasakhin. C'est quoi tasakhin? C'est le chauffant. Tout ce qui va permettre de chauffer les pieds. Tout ce qui va permettre de chauffer les pieds. Chaussons, chaussettes. Ça s'appelle tasakhin. Est-ce que les chaussettes rentrent dedans? Oui, les chaussettes rentrent dedans. Oui, les chaussettes rentrent dedans. Et c'est là qu'on va avoir certains savants qui vont dire « Il est permis d'effleurer les chaussettes à condition qu'elles ne soient pas fines. » Parce qu'ils vont dire que les chaussettes qui sont fines ne servent pas à chausser les pieds. D'accord? Et donc, par rapport à cette divergence, et l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est que il n'y a pas de mal à donc effleurer les chaussettes. Et pour finir, bi'idhnillahi ta'ala, quand est-ce que on commence la période du mesh? Quand est-ce que commence la période? Tu as fait tes ablutions. Tu as mis tes chaussettes. Tu sais que tu as un jour et une nuit. Ça commence quand? Quand tu as peur, tu les refais. Au moment où tu les perds, à partir de là, on commence à... À partir du moment où tu les perds. Tu les perds et tu refais le et au prochain wudu que tu fais. Prochain wudu. Donc à partir du premier mess. À partir de la première fois que tu fais le mess. Oui. Voilà. Et donc, la période, elle commence à partir de la première fois que tu vas effleurer les chaussettes ou les chaussons après avoir perdu les ablutions. Exemple. Là, juste avant, on a prié. Salat al-Isha. Avant la prière, il y en a qui sont allés faire leurs ablutions sans chaussettes. Ils ont mouillé les pieds. Ils ont lavé les pieds. Après avoir lavé les pieds, il a mis ses chaussons. Il a mis ses chaussons maintenant, après l'Isha. Il a mis ses chaussons avant l'Isha. Il a prié avec nous. Il a assisté au cours. Après le cours, il rentre chez lui. Il garde ses chaussons. Il dort avec les chaussons. Il dort avec. Il se réveille le lendemain. Ça commence à partir du moment où tu as fait le mess. À partir du moment où tu as refait tes ablutions pour la première fois après les avoir perdues. C'est là que ça commence. Même si le frère avait perdu ses ablutions après l'Isha. Tout de suite après le salat, il a perdu ses ablutions. La période ne commence pas encore. Ça commence le lendemain, une fois qu'il refait ses ablutions. D'accord? Et donc, on va arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous accorde une science profitable. On va continuer la semaine prochaine, bi'idnillah. Et je vous ai dit donc, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire le Eden du Isha. Après le Eden, on fait les cours sur l'Edeb. Donc, les hadiths qu'on lisait sur l'Edeb, on le fera après le Eden du Isha. Pourquoi? Parce que maintenant, le Maghreb, c'est un peu trop tôt pour beaucoup de frères. Donc, on fera ça après l'Eden du Isha, jusqu'à l'Ikama. Après l'Ikama, on prie. Et ensuite, après Salat, on commence les cours sur Umdat al-Ahkam. C'est bon? Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.